بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue les frères, donc pour ce 29e cours dans l'explication de Kitab al-Salat de Amdat al-Ahkam, toujours le chapitre lié à l'imama. ذكرنا أمس أننا اليوم سنرى مسألة صلاة الناس خلف إمام يصلي جالسا كما هو مذكور في حديث أبي هريرة الذي قرأناه أمس. On a dit hier que nous allons voir aujourd'hui le sujet de la prière de ceux qui prient derrière un imam qui est assis. Ceux qui prient derrière un imam qui est assis. Comme cela est stipulé dans le hadith de Abi Huraira, radiallahu anhu, que l'on a vu hier. والحقيقة أن هذه المسألة متعلقة بالحديث الثالث الذي ذكره المؤلف أيضا. Et en réalité, donc ce sujet, ce même sujet, il est aussi lié au troisième hadith que l'auteur il cite dans le livre, dans ce chapitre-là. Et donc on va lire le troisième hadith, qui en réalité est une... Ce troisième hadith, donc avec un autre compagnon, qui cite aussi les mêmes termes qu'on a vus hier dans le hadith de Abu Huraira, mais avec une petite ziyada, avec quelques informations en plus. Et donc l'auteur qui nous dit « An Aishata radiallahu anha qalat, Salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi wa huwa shakin fa salla jalisan. » Selon Aisha radiallahu anha, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié dans sa maison alors qu'il se plaignait. Il se plaignait d'une douleur. Il avait mal. Donc il a prié assis. Fa salla wara'ahu qawmun qiyama. Alors derrière lui, il y a des gens qui ont prié debout. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait assis. Et derrière lui, des gens qui priaient debout. Fa ashara ilayhim an ijlisu. Alors il leur a fait signe de s'asseoir. Il leur a fait signe de s'asseoir. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ. Et donc aussi, et après cela, donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini la prière, il leur a dit, donc, ô gens, certes, l'imam a été placé pour être suivi. Alors, lorsqu'il s'incline, inclinez-vous. Et lorsqu'il se lève, levez-vous. Et lorsqu'il dit, Sami Allahu liman hamida, alors dites, Rabbana walakal hamd. Et lorsqu'il prie assis, alors priez tous assis. Et cette narration a été rapportée par l'imam muslim. Fama hukmu salatil qa'im wara al-ajiz. Et donc, quel est le jugement de l'individu qui prie, donc de l'individu qui prie derrière celui qui est ajiz, qui n'a pas la capacité de prier debout. Il va donc prier assis. Quel est ce jugement? Fa hadithu Aisha wa hadithu Abi Huraira fihima anna al-ma'moum in salla khalf al-jalis fa innahu yusalli jalisan. Et donc il est clair que dans le hadith de Aisha qu'on a vu aujourd'hui et le hadith de Abi Huraira qu'on a vu hier, dans ces deux hadiths, il y a le fait que celui qui prie derrière un imam qui est assis, alors lui aussi il doit prier assis. Lui aussi il prie assis. Wal ulama ikhtalafu fi hadhihi al-mas'ala 'ala thalathati aqwal. Et les savants, ils ont divergé concernant ce sujet sur trois avis. Al-qawl al-awwal wa huwa qawl al-ahnaf wa ash-shafi'iyyah annahum yusalluna wara' al-imam qiyama. Le premier avis, c'est l'avis des savants de l'école Hanafite et l'école Shafi'ite. Ils disent que les personnes qui prient derrière un imam assis, ils vont prier debout. L'imam est assis et eux, ils sont debout. Donc ça, c'est l'avis des Ahnaf et de l'école Shafi'ite. Le deuxième avis, wa huwa madhhab al-Malikiyya. لا يجوز لقادر على القيام أن يصلي وراء عاجز. Et donc le deuxième avis, donc l'avis de l'école malikite, est qu'il n'est pas permis à une personne qui a la capacité de prier debout de prier derrière un imam qui ne peut pas prier debout. C'est-à-dire que l'imam, il prie assis. Toi, non seulement tu ne vas pas prier debout devant lui, mais on va te dire, tu ne vas pas prier debout derrière lui, mais on va te dire, tu ne peux pas prier du tout. L'imam, il est assis, tu ne peux pas prier avec lui. Ce n'est pas comme Al-Shafi'i et Al-Ahnaf. Al-Shafi'i et Al-Ahnaf, ils disent, tu pries debout. Tu ne pries pas assis, tu pries debout. Al-Malikiya, ils disent, tu ne pries pas derrière lui. Il est assis, tu ne pries pas derrière lui. Al-Qawl al-Thalith, wa huwa Qawl al-Hanabila, يُصَلُّونَ وَرَاءَهُ جُلُوسًا إِذَا بَدَأَ الصَّلَاةَ جَلِسًا وَيُصَلُّونَ وَرَاءَهُ قِيَامًا إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ الْعَجْزُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ. Donc le troisième avis, l'avis de l'école Hanbalite, est qu'ils vont prier derrière l'imam, tous assis, si l'imam a commencé la prière en étant assis. Dès le début de la prière, il était assis. Et donc on prie assis avec lui. Mais par contre, si l'imam a commencé la prière en étant debout, puis que pendant la prière, il y a un élément qui fait qu'il va rester assis pour finir sa prière, à ce moment-là, on reste debout. Comme on a commencé la prière debout, on la continue debout. Voilà les trois avis, que les trois avis des ulémas par rapport à ce sujet. Amma al-adilla. Fa min adillati al-qawl al-awwal, hadith Aisha fi sahihayn. Parmi les preuve du premier avis, il y a le hadith de Aïcha dans Sahihain. C'est quoi le premier avis? Shafi'i al-Ahnaf, c'est quoi? Il prie debout. Ok. Et donc, le premier avis, donc c'est l'avis de ceux qui disent qu'on doit prier debout derrière l'imam, le hadith de Aïcha dans Sahihain. Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma marida fi maradi mawtihi Amara Aba Bakrin an yusalliya bin nas. Aïcha qui nous dit dans Sahihayn que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut malade, de la maladie qui a causé sa mort, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abu Bakr de prier avec les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abu Bakr de prier avec les gens, donc de diriger la prière. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يصلي بالناس. Ensuite le prophète, il a senti qu'il pouvait prier, alors il est venu, alors que Abu Bakr, il priait avec les gens. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على يسار ابي بكر فكان يصلي بالناس وهو جالس وهم قيام. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم, il s'est assis à la gauche de Abu Bakr. Donc Abu Bakr, il est devant les compagnons, c'est lui qui dirige. Le prophète s'est assis à la gauche de Abu Bakr, et on a déjà vu précédemment que la gauche, c'est la place de l'imam. Et donc il s'est assis à la gauche de Abu Bakr, et il dirigeait la prière en étant assis, et les musulmans priaient derrière lui en étant debout. Certains vont dire non, c'est Abu Bakr qui dirigeait la prière des gens, c'est pas le prophète. On va dire, Taïb, mais Abu Bakr, il suivait la prière de qui? Lorsque le prophète est arrivé, Abu Bakr, il suivait la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, donc, que Abu Bakr, il était debout. Donc, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis. Il dirigeait la prière. Abu Bakr, debout, il suivait, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens derrière, qui suivait? Certains savants vont dire qu'ils suivaient Abu Bakr. D'autres vont dire qu'ils suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au final, ils ont tous prié debout et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait assis. Là-dessus, on est unanime. Tayyib. Qalu idhan hadha al-hadith nasakha baqi al-ahadith li'annahu kana fi marad mawt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils ont dit, ce hadith, il s'est produit un peu avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la maladie qui a causé sa mort. Et donc c'est la dernière chose qui s'est produite dans ce sujet. Concernant ce sujet, c'est la dernière chose qui s'est produite. C'est-à-dire, on a les autres hadiths qui citent que celui qui prie derrière l'imam qui est assis, il doit prier assis aussi. Mais là, Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté, donc il prie debout derrière lui. Il aurait pu leur faire signe de s'asseoir comme il l'a fait avant. Mais là, il ne l'a pas fait. Ils disent, et donc ce hadith-là va abroger les autres hadiths. Ce hadith-là va abroger les autres hadiths. Amma dalil ou al-malikiyya. En ce qui concerne la preuve de al-malikiyya, al-malikiyya, ils disent quoi? Tu ne pries pas derrière lui. Al-malikiyya, ils disent, on ne prie pas du tout derrière lui. دليلهم ما أخرجه البيهقي والدارقطني من طريق جابر الجعفي عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد بعد جالسا. Et donc leur preuve est le hadith qui a été cité dans le recueil de Bayhaqi ainsi que Darqutni, un hadith qui passe donc dans la chaîne de transmission, elle passe par Jabir al-Ju'fi. Selon Al-Sha'bi, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que aucun d'entre vous ne dirige une prière après moi en étant assis. Aucun d'entre vous ne dirige une prière après moi en étant assis. Ils disent, et donc, le fait de prier assis, hadha khassun bin Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, le fait de diriger une prière en étant assis, c'est spécifique au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu vois quelqu'un qui prie assis, on ne peut pas prier derrière lui. Donc, ça, c'est l'avis de Al-Malikiyya. Qala Ibn Abd al-Barr fi Tamhid. Ibn Abd al-Barr, donc qui fait partie des savants du madhhab Malikite, il dit dans Al-Tamhid, La yasihu inda ahli al-ilmi bil hadith, innama yarwihi Jabir al-Ju'fi, an al-Sha'bi mursalan, wa Jabir al-Ju'fi. لا يحتج بشيء يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا. Et donc tout d'abord, avant de traduire, on va d'abord réviser rapidement mursel, musned. Le mursel, on avait dit c'est quoi le mursel? Une coupure. Une coupure. On avait dit le mursel, c'est le tabi'i qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et donc ça s'appelle mursel. Et donc ce n'est pas, le tabi'i ne nous cite pas la parole du compagnon. Le tabi'i, celui qui est venu dans la génération après les compagnons, lui, il n'a pas rencontré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il nous dit, le messager d'Allah a dit. Est-ce qu'on accepte? Non. Ça s'appelle mursel. Mousned, c'est quand la chaîne de transmission, il n'y a pas de rupture dans la chaîne de transmission. Et donc il nous dit ici, Ibn Abd al-Barr, il nous dit, ce hadith n'est pas authentique. Chez les gens de science du hadith, chez les gens qui connaissent la science du hadith, car certes ce hadith est rapporté par Jabir al-Ju'fi, selon Al-Sha'bi Mursalan. Mursalan, c'est-à-dire donc Sha'bi qui dit le messager d'Allah. Or, Sha'bi n'a pas rencontré le messager d'Allah. Ensuite il dit, or, les narrations de Jabir al-Ju'fi ne sont pas acceptées, même si elles n'ont pas de rupture. Que dire lorsqu'il y a une rupture? Et donc, dans cette chaîne de transmission, on a deux problèmes. On a premièrement Jabir al-Ju'fi, que lui, ses chaînes de transmission, elles ne sont pas acceptées. Et deuxième problème, Al-Sha'bi qui nous dit « Qala Rasulullah ». Or, Al-Sha'bi, il n'a pas rencontré le messager d'Allah. Donc, le hadith, il est faible. « Idhan la yuhtajju bihi ». Et donc, on ne peut pas utiliser ce hadith comme preuve pour dire qu'on ne peut pas prier derrière un imam assis. Donc pour l'instant, on a vu les preuves de deux avis. L'avis d'Al-Malikiyya, donc, il se base sur ce hadith, et il est faible, d'accord. Il nous reste donc l'avis d'Al-Ahnaf et de Shafi'i. Une argumentation, donc ils nous disent que le hadith, il a abrogé les autres hadiths. L'histoire à la fin de la vie du prophète a abrogé les autres hadiths. Et maintenant l'avis d'Al-Hanabila. Al-Hanabila, ils disent quoi? Tu pries avec lui assis, s'il a commencé assis. Mais voilà. Mais par contre, s'il a commencé debout et qu'ensuite, pendant la prière, il s'est assis, toi, tu continues debout. Ça arrive. Quelles sont leurs preuves? Jama'u bayna al-adilla. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa idha salla jalisan fa sallu julusan ajma'un. Dalilun ala anna al-imam إن بدأ الصلاة جالسا فالناس يصلون جلوسا خلفه. Et donc, Al-Hanabila, ils ont rassemblé les preuves. C'est-à-dire que la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Si l'imam prie assis, alors vous priez tous derrière lui assis. » Ils disent que ceci est une preuve que l'imam, quand il commence la prière assis, les gens qui sont derrière lui vont prier assis. « Amma al-qissa allati hasalat fi maradi mawti an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam » فهي دالة على أن الإمام إن بدأ قائما ثم حصل في الصلاة ما جعله يكمل قاعدا فالناس يصلون قياما خلفه. Ils disent par contre l'histoire qui s'est produite à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle montre que lorsque l'imam il commence la prière en étant debout, mais que pendant la prière, il y a un élément qui se produit, qui fait qu'il doit continuer assis, alors à ce moment-là, les musulmans vont prier, donc, debout. Les musulmans vont prier debout. Et donc, ils vont rassembler ces deux hadiths-là, ils vont rassembler tous ces hadiths dans ce sujet, et vont arriver avec cette conclusion-là. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّاجِحُ. Et cet avis-là, l'avis de l'Hanabila, dans ce sujet, c'est l'avis le plus juste. Pourquoi ? Premièrement, Al-Malikiya, le hadith, il est faible. Deuxièmement, comment est-ce qu'on fait maintenant pour dire que l'avis de Al-Hanabila, il est plus fort que l'avis de Al-Shafi'i et Al-Ahnaf ici ? Boubacar, il a commencé la prière, c'est lui qui a commencé la prière debout. Mais pour... après, le prophète, il est venu, il s'est mis assis. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que ça, cette histoire-là abroge les autres hadiths ? Pourquoi on ne dit pas que ce hadith-là, à la fin de la vie du prophète, il abroge les autres hadiths ? Parce qu'on a déjà vu précédemment, on a vu la règle « La yusaru ila nasr illa inda adami al-jama » Et donc on a dit que on ne va pas pratiquer la règle de l'abrogation si on a la capacité de rassembler les ahadiths. Et donc, quand on a deux ahadiths qui s'opposent de façon apparente, dans un hadith, le prophète, il nous dit, l'imam, il prie assis, vous priez tous assis. Dans un autre hadith, le prophète, il prie assis et les gens derrière lui ont prié debout. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Première chose à faire, on vérifie si les ahadiths sont authentiques. Ils sont tous authentiques. Ok, on continue. Deuxième étape, on essaie de rassembler. On n'a pas la possibilité de rassembler, on fait quoi ? Il y en a un qui va abroger l'autre. C'est le dernier qui abroge l'autre. Et ici, on a la possibilité de rassembler les deux hadiths, et donc on ne va pas dire qu'il y en a un qui abroge l'autre. On ne va pas dire qu'il y en a un qui abroge l'autre. Rapidement, Inch'Allah ta'ala, al-hadith ou al-rabi'a. Donc, rapidement, le quatrième hadith. An Abdillah ibn Yazid al-Khazmi. الأنصاري قال حدثني البراء وهو غير كذوب. Le quatrième hadith selon Abdullah ibn Yazid al-Khazmi al-Ansari qui dit al-Bara, c'est-à-dire al-Bara ibn Azib m'a rapporté et il n'est pas menteur. Et il n'est pas menteur. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده رواه مسلم. Et donc il nous dit Al-Bara, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, quand il disait سمع الله لمن حمدا, aucun d'entre nous ne baissait son dos avant lui, donc pour aller en prosternation, aucun d'entre nous ne baissait son dos avant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne soit prosterné. Puis, après cela, on se prosternait après lui. Rapporté par Muslim. Et donc, Abdullah ibn Yazid, sahabi, yarwi an sahabiin akhar. Abdullah ibn Yazid, c'est un compagnon. Il rapporte cette information d'un autre compagnon, qui est Al-Bara ibn Azib. Et il nous dit, wa huwa ghayru kadhub. Il nous dit, donc Abdullah ibn Yazid, qui parle de Al-Bara, il dit, il n'est pas menteur. As-sahaba kulluhum udul. Les sahaba, ils sont tous fiables. Ils n'ont pas besoin de tazkiya. Ils n'ont pas besoin d'éloge. Fa'inna Allah tabaraka wa ta'ala madahahum wa athna alayhim. Allah a fait leurs éloges. Ils n'ont pas besoin d'éloge. Mais Abdullah ibn Yazid, yakulu hadha ta'kidan li hadha al-amr. Abdullah ibn Yazid, il dit cela pour confirmer que cet homme est véridique, pour confirmer qu'il ne ment pas. Même si il n'a pas besoin de le dire, parce que c'est un compagnon, il parle d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il va appuyer son argumentation. Et ensuite, donc dans ce hadith, yustafadu min al-hadith, أن المأموم لا يسجد إلا بعد ما سجد الإمام. Et donc on comprend de ce hadith que celui qui prie derrière l'imam, le ma'moum, il ne se prosterne que après que l'imam s'est prosterné. وقد تكلمنا عن هذا سابقا. Et certes, on a déjà abordé ce sujet précédemment. وقالت العلماء المأموم. Et donc pour finir, les savants ont tiré une règle de ce hadith. Qui est El Ma'moum la yantakilu min ruknin ila ruknin akhar illa ba'da ma talabbas al imam bir rukn thani. Ils disent le Ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, il ne se déplace d'un pilier à un autre que lorsque l'imam est déjà dans l'autre pilier. Exemple, on est debout. Après avoir dit « Samia Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd », on est tous debout. L'imam et le ma'moum, ils sont debout. Ça, c'est un pilier. Parmi les piliers de la salat, le fait de se tenir debout après le rukou. On est dans un pilier. Maintenant, toi, en tant que ma'moum, tu ne peux passer dans le pilier qui suit, c'est-à-dire la prosternation. Tu ne commences à passer dans le pilier qui suit que quand l'imam, il est déjà dans le pilier qui suit. Que quand l'imam il est déjà dans le pilier qui suit. Ça veut dire, c'est pas parce que tu entends Allahu Akbar que ça veut dire que tu te prosternes tout de suite. Et je vous ai déjà dit, quand vous avez un imam qui fait 2 mètres, Allahu Akbar, si ça se trouve, tu finis tes prosternés avant qu'il ait fini de dire Allahu Akbar. Et donc, faites attention par rapport à cela. Il y a aussi une autre narration de ce même hadith, une autre narration dans laquelle. Dans laquelle il dit al-Bara, il dit lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yad'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam jabhatahu 'ala al-ard. Il dit al-Bara, aucun d'entre nous, cette narration est dans Sahihayn, dans les deux recueils d'Al-Bukhari et Muslim, aucun d'entre nous ne baissait son dos, c'est-à-dire juste tu commences à te baisser, aucun d'entre nous ne baissait son dos avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mette son front sur le sol. Avant qu'il ne mette son front sur le sol. Et donc toi ici, tu es dans les rangs, tu attends que l'imam il mette son front sur le sol. Et ceux qui sont derrière toi, ils vont vous suivre, ainsi de suite. Et ça aussi, ce qui est important, c'est que l'imam, il ne doit pas faire une prosternation qui est courte. Parce que si l'imam il fait une prosternation qui est courte, les gens ils ne peuvent pas faire ça. Les gens ne peuvent pas faire ça. Donc l'imam, il doit prendre ça en compte. Les savants, ils disent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il faisait de longues prosternations. Et donc les compagnons, ils pouvaient faire cela. Aujourd'hui, dans certaines mosquées, l'imam, Allahu Akbar, il a touché son front par terre, Allahu Akbar, il est déjà relevé. Impossible de pratiquer ça. Impossible. On va donc arrêter là pour aujourd'hui. On continue demain, inshallah. Demain, on essaie de finir le chapitre. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayran.